Bien bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Alors, nous en sommes à l'édition du 17 octobre 2011 et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, chers auditeurs, cette semaine, nous allons avoir plusieurs sujets, une émission très touffue encore, extrêmement fournie, des informations sur l'actualité mondiale, les fausses menaces terroristes aux États-Unis qui ont été blâmées sur l'Iran, résistance qui monte en Libye, vous allez entendre parler un peu de ce sujet-là cette semaine. Ensuite, on va plonger dans l'économie mondiale et américaine, le mouvement Occupy Wall Street qui devient planétaire, on va toucher à ça. Et on va espérer avoir beaucoup de temps aussi pour toucher le dossier de Fukushima et le nucléaire qui réellement n'avance pas dans la bonne direction, même si on n'en parle pas dans les médias, comme si rien n'existait du tout, comme si c'était absolument rien produit, il ne se produisait plus rien à Fukushima. Eh bien, vous allez voir cette semaine que bien au contraire, la situation ne cesse de se dégrader, de s'aggraver. On commence de plus en plus à se rendre compte des effets secondaires de toute cette tragédie qui s'est passée avec ces fameuses centrales nucléaires, en fait, ces différents réacteurs nucléaires qui ont été fortement endommagés lors du tremblement de terre et du tsunami qui s'en est suivi au Japon, on se rappelle, au mois de mars passé. Alors voilà, donc ça va être déjà beau si on peut rentrer tout ça dans cette émission cette semaine. Alors attendez-vous à ce qu'on déballe les informations rondement là, et puis comme je vous le répète à chaque émission, et puis pour les nouveaux arrivés ici sur l'émission, alors, toutes les informations dont je discute sont mises en lien sur mon blog personnel qui se nomme Les Nouvelles Internationales. Alors, faites une recherche et puis à chaque semaine, vous allez trouver tous les liens vers les articles là, dont je discute ici sur l'émission. Donc, c'est une émission qui est documentée. Alors, on n'en parle pas à travers notre chapeau ici. Là. On vous offre les informations les plus importantes là, de la semaine et bien souvent des informations dont les grands médias refusent de parler ou de vous rapporter dans tous ses angles et dans toute sa profondeur. Alors, voilà. Donc, j'espère que le son va être meilleur cette semaine aussi. J'ai eu quelques remarques, dont mon correspondant français, le Stéphane Poutoir, et quelques auditeurs qui m'ont écrit en me disant que l'émission allait bien, que le son était beaucoup mieux. mais qu'il avait tendance à défoncer les tympans. Alors, chers auditeurs, vous savez, j'expérimente du nouvel équipement et puis un nouveau programme là, pour l'enregistrement. Donc, je m'excuse là pour les petites expérimentations. On va apprendre et faire le tour de ce nouveau programme et puis bien le gérer. Alors, je crois avoir trouvé maintenant le volume. Alors, savoir où on peut diminuer un peu là, le son qui entre dans le système, alors pour ne pas vous défoncer les oreilles. Alors j'essaie de rendre les choses optimales ici pour vous. Alors voilà, donc on va y aller avec on va faire un petit tour aussi des nouvelles de la semaine, les plus importantes, dont certaines qui me sont venues via des auditeurs et bon des sympathisants de l'autre monde. Alors ici, ça nous vient d'une nouvelle qui a été publiée là, dans Le Soleil, un journal publié à Québec, je me rappelle bien. Et puis, on nous parle des antennes relais cellulaires, les preuves d'effets biologiques s'accumulent. Et puis ça, c'est important d'en parler parce que bien souvent, on retrouve des gens qui habitent très très proche de ces antennes. Et puis, vous savez, il y a des effets biologiques et des effets négatifs sur la santé. On en parle depuis des années. Évidemment que les grandes compagnies de téléphones cellulaires s'acharnent à vouloir faire croire à les utilisateurs et puis ceux qui sont exposés à ces radiations qu'il n'y a pas de danger. Mais vous savez, comme je vous dis, les preuves s'accumulent et puis on en fait état dans cet article ici qui a été publié le 12 novembre 2010. Donc, je vous rappelle cet article qui en vaut la peine à être découvert. On parle, bon, que à la lumière de ces nombreuses études, les auteurs américains croient que les normes devraient interdire la construction d'antennes relais cellulaires à moins de 500 mètres de la population, une hauteur minimale de 50 mètres. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui font état de problèmes de santé parmi la population vivant à proximité d'antennes relais cellulaires. Et puis, c'est la conclusion à laquelle en viennent les auteurs d'un article qui ont publié au Conseil national de recherche du Canada. Alors, la revue en ligne Dossier Environnement des presses scientifiques du CNRC vient en effet de publier, bon, c'est l'année passée, là, les résultats d'une revue de la littérature réalisée par un biologiste américain de l'Université de Washington qui s'appelle Henry Lay et Blake Leavitt. Une journaliste scientifique. Alors elle dit, et puis je cite ici, on ne peut plus vraiment continuer à nier les symptômes qui sont rapportés de bonne foi, écrivent-ils. Ces observations couvrent maintenant une période de 50 ans. Il ne s'agit plus de savoir si les symptômes sont d'origine psychosomatique. Cela ferait insulte aux médecins et aux citoyens qui en font état. La seule question qui se pose maintenant, c'est d'établir des normes d'exposition. Alors, les deux auteurs ont identifié plusieurs articles scientifiques qui font état des effets biologiques causés par des radiations de faible intensité comparables à ce que subiraient des personnes vivant à une distance de 50 à 150 mètres d'antenne cellulaire. Parmi ces effets, on signale une perte de calcium dans des cellules cancéreuses humaines, ouais, c'est ça. Chez la souris, on signale une diminution des fonctions reproductives et aussi une hausse de perméabilité de la barrière hémato-encéphalique censée protéger le cerveau contre les infections. Et on dit ici, je joue la citation, voilà 10 ans, on relevait peut-être une douzaine d'études qui rapportaient des effets de radiation à faible intensité, alors qu'aujourd'hui, nous en avons dénombré plus de 60, peut-on lire dans l'étude, fin de la citation. Alors, on dit accumulation possible des effets. La plupart des recherches ont été faites à partir d'expositions brèves, mais de plus en plus d'indices laissent croire à une accumulation des effets sur une période prolongée. Et c'est entre autres une étude portant sur 5 générations de souris exposées à des radiations de faible intensité. Alors que cette recherche notait une baisse de fertilité chez la première génération, les auteurs ont trouvé des souris stériles à la 5e génération. L'article rapporte aussi les observations faites par 3 médecins allemands qui disent avoir observé une hausse abrupte des symptômes de maux de tête, de léthargie, de perte de concentration, de dépression et de sensation de brûlure parmi la population de Hessen-Rouen après l'implantation d'un système de télédiffusion numérique. Une étude réalisée sur une population de 1000 personnes de 1994 à 2004, encore en Allemagne, a trouvé une hausse significative de l'incidence de cancer chez les personnes ayant habité plus de 5 ans à moins de 500 mètres d'une antenne. Le risque de cancer dans ce groupe était 3 fois plus élevé que ce qu'on observait chez ceux qui étaient plus éloignés des antennes. Alors imaginez. Donc, des risques de cancer plus élevés, des résultats semblables ont aussi été obtenus par une équipe israélienne qui a comparé différents groupes à l'intérieur de la ville de Netanya, ainsi que des groupes témoins à la grandeur du pays. Le risque de cancer était 4 fois plus élevé dans la zone la plus rapprochée des antennes cellulaires. À la lumière de ces études, les auteurs américains croient que les normes devraient interdire la construction d'antennes à moins de 500 mètres de la population et une hauteur minimale de 50 mètres. Présentement, au Canada, aucune norme ne fixe de distance minimale entre une zone habitée et une antenne. On peut d'ailleurs trouver des antennes relais installées sur des façades d'immeubles d'appartements à quelques mètres seulement des locataires, et j'ajouterais sur le toit directement de des bâtiments où des gens habitent ou travaillent à longueur de journée. Alors, voilà. Un autre article ici qui vaut la peine d'être publié, cette fois encore dans le journal de Le Soleil, mais le 12 octobre 2011, donc il y a quelques jours, on parle ici de la culture génétique modifiée d'OGM, les abeilles affectées par les pesticides. Alors, là, on apprend qu'il n'y a pas que le règne humain, végétal et animal qui soit affecté par les OGM, mais les abeilles aussi. On apprend que les néonicotinoïdes peuvent engendrer des modifications des enzymes du cerveau de l'abeille. L'insecte peut alors avoir de la difficulté à voler, à s'orienter ou à communiquer avec les membres de sa colonie. Ça, c'est très indicatif parce que, justement, c'est le problème qu'on avait dans ces fameuses mortalité de masse là dans les cultures, les apicultures en fait là, donc quand on cultive les abeilles et en fait bon, c'est des élevages d'abeilles et puis on avait des morts massives là autant en Amérique du Nord qu'en Europe et puis il y a une grande partie des colonies d'abeilles qui ont été décimées ces dernières années. Et on avait d'ailleurs ces symptômes, c'est qu'on avait remarqué qu'il y avait des abeilles qui partaient de la ruche et puis qui ne revenaient jamais, mouraient pour des raisons inexpliquées. Et puis là, on commence à s'expliquer un peu plus pourquoi. Ça faisait longtemps ici sur l'émission qu'on suspectait d'ailleurs que je faisais part de cette suspicion que ces abeilles soient affectées par les OGM. Il y avait ce fait que j'avançais dans le passé que, bon, vous avez des fameuses cultures comme le BT, le maïs BT, qui produit maintenant une forme d'insecticide à l'intérieur même de la plante. Alors, les abeilles qui les butinent, et non seulement les abeilles, mais tous les autres insectes, soit pollinisateurs, ou qui favorisent la pollinisation, comme les papillons, ainsi de suite. On a retrouvé aussi dans ces espèces-là une grande mortalité durant ces dernières années. Donc là, on a des chercheuses québécoises qui viennent de démontrer que les abeilles qui butinent aux champs sont clairement affectées par les nouveaux pesticides utilisés en enrobage des semences de plantes génétiquement modifiées. Cette démonstration serait une première mondiale selon l'une des scientifiques impliquées. Madeleine Chagnon est entomologiste et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, et s'intéresse depuis des années à l'effet des pesticides sur les abeilles et tout particulièrement des néonicotinoïdes, ces pesticides systémiques qui enrobent les semences et se diffusent dans la plante à mesure qu'elle pousse. Ils sont utilisés au Québec sur de très grandes superficies, dont la culture du maïs et du canola. Alors, dans le cadre d'une recherche de 3 ans, elle a démontré dans un premier temps que des abeilles soumises en laboratoire à des doses connues de néonicotinoïdes développent des modifications au niveau des enzymes de leur cerveau. Sans nécessairement faire mourir l'abeille, ces modifications peuvent avoir un impact majeur sur le petit insecte pollinisateur. Difficulté à voler, à s'orienter, à communiquer avec les membres de sa colonie. Des observations semblables ont d'ailleurs été faites ailleurs dans le monde. Madame Chagnon et sa collègue toxicologiste Monique Boily, aussi de l'UQAM, seraient toutefois les premières à démontrer l'impact de ces pesticides sur les abeilles qui butinent librement au champ et dont, par définition, on ignore la quantité des pesticides ingérés. Cette démonstration a été faite grâce à l'analyse de biomarqueurs de quelques 6000 abeilles prélevées dans 6 régions du Québec, expliquait Madame Chagnon en entrevue téléphonique. Alors, les ruches ont été déposées près des champs de maïs cultivés avec le pesticide en question, de même que près des champs de maïs biologiques et dans des zones éloignées de ces cultures. Alors, on explique ici dans cet article-là comment que l'expérience a été faite pour vraiment là avoir des résultats les plus objectifs possibles. Et puis, on a trouvé que, bon, de la part de ces chercheuses, que celles qui butinaient dans les champs de culture utilisant des néonicotinoïdes présentaient les mêmes modifications que celles qui avaient été exposées aux pesticides en laboratoire. En outre, des abeilles présentant un comportement erratique ou mortes ont aussi été découvertes dans ces ruches. À l'inverse, les abeilles ne présentant pas d'anomalies provenaient d'endroits éloignés des cultures génétiquement modifiées et les colonies y étaient davantage en santé. Alors, voilà donc une accumulation de preuves qui vont dans ce sens. Et puis, on va espérer que, justement, on commence à réagir aussi à ce dossier-là de ces fameuses OGM qui sont une menace environnementale sans nom. C'est un peu comme Fukushima est une pollution nucléaire radioactive. Autant que ces fameuses OGM sont une pollution génétique qui est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la récupérer un coup qu'on l'a larguée dans la nature et puis disperser les gènes comme ça, par pollinisation, par croisement, peu importe, et se retrouve dans les séquences génétiques des plantes qui étaient naturelles avant qu'on introduise ces fameuses OGM dans la nature. Donc, voilà. Donc, on espère que les gens vont commencer à comprendre le danger de toutes ces affaires-là, sans compter aussi les nombreuses expériences qu'on a faites sur les animaux, dont les souris qui avaient des pertes de fertilité. Alors, un autre problème. Vous voyez, il y a plusieurs problèmes qui nous entourent concernant la santé dans l'environnement et qui ont tendance à justement vouloir attaquer notre fertilité. C'est spécial. Donc, pensez à ça 2 secondes. Alors, allez voir ça, insecticides systémiques par les OGM, vous avez différents articles, les OGM qui font trembler les abeilles, alors plusieurs articles intéressants à ce sujet, donc allez voir ça, vous allez trouver plusieurs articles pour comprendre un peu ce dossier. Et ensuite, nous avons un communiqué du RQIC, alors ça c'est le réseau québécois sur l'intégration continentale, donc pour diffusion immédiate. Alors j'ai reçu ça, et puis on parle ici des négociations de l'accord Canada-Union européenne. La société civile exige un débat public maintenant, déclaration conjointe des organisations sociales du Québec et de la France. Donc ça a été publié le 13 octobre 2011. À l'aube de ce qui pourrait être la dernière ronde des négociations de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, le réseau québécois sur l'intégration continentale et ses partenaires exigent un débat public large et informé avec la participation des divers secteurs sociaux ainsi que de nos représentants élus à l'Assemblée nationale avant toute signature de l'accord. Alors, vous voyez, on essaie tout le temps de faire des affaires sans notre consentement comme population, alors que ça nous concerne pleinement, c'est nous qui vont avoir les effets en plein visage et qui vont devoir en faire les frais. Alors, vous avez le Canada et l'Union européenne, là, qui est l'accord le plus ambitieux jamais négocié par le Canada. Ces visées vont non seulement plus loin que l'ALENA, mais elles sont aussi plus préoccupantes. Pour la première fois, on négocie des domaines entiers relevant de la compétence des provinces et des pouvoirs municipaux qui, pour le Québec, représentent des services publics majeurs. Au moment même où des négociateurs discuteront en notre nom, sans avoir jamais reçu de mandat de la population, nous voulons dénoncer publiquement cette façon de faire antidémocratique, compte tenu de l'importance des enjeux. Il est grand temps de briser le secret des négociations, a affirmé en conférence de presse Régine Laurent, l'une des porte-parole du RQIC, aussi présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Le gouvernement Charest est en partie prenante des tractations et nous exigeons qu'il rende publiques les offres que le Québec a déposées à la table des négociations, a ajouté Mme Laurent. Depuis juin dernier, malgré les demandes en ce sens au premier ministre et une demande d'accès à l'information, il est impossible pour le RQIC d'avoir accès à ces offres d'une importance capitale. Selon la dernière version du texte de l'accord rendu accessible grâce à une fuite, les services en matière de santé, d'éducation, d'électricité, de télécommunication, d'eau potable, de culture et les marchés publics qui y sont associés n'ont pas été exclus des discussions. Alors, ça touche vraiment là, une variété très large de secteurs de notre économie et de notre société. Au départ, on a tenté de justifier les pourparlers avec l'Europe comme une opportunité pour nos entreprises d'accéder au marché européen pour créer des emplois ici. Aujourd'hui, le négociateur en chef, Pierre-Marc Jansen, ne parle plus que d'attirer les capitaux étrangers pour financer les projets mégalomanes du plan Nord de Jean Charest, pour privatiser la gestion de l'eau. Quel en sera le prix? S'interroge Denis Bolduc, secrétaire général au Québec du Syndicat canadien de la fonction publique. Alors, selon, là, écoutez, vous savez, c'est un long article, là, je vous le lirai pas au complet, mais c'est un communiqué de presse très important à comprendre. Pourquoi? Parce que, bon, on est en train de peu revenir avec l'ami, vous rappelez, cet accord multilatéral sur l'investissement qu'on avait tué à Seattle. Et là, vous avez une disposition de protection des investissements similaire à celle du chapitre 11 de l'ALENA qui permettrait à une entreprise étrangère de poursuivre un gouvernement lorsqu'elle estime qu'une politique publique affecte ses profits. Alors, imaginez le Québec qui voudrait protéger, par exemple, je sais pas moi, le futur génétique de ses cultures et puis interdirait les OGM au Québec. Eh bien là, une compagnie comme Monsanto pourrait poursuivre le gouvernement du Québec à l'ordre pour l'ordre de centaines de millions de dollars de profits qui seraient perdus, estimés par Monsanto. Alors, ça rouvre la porte à ça. Et puis, là, ça a le rapport aussi avec toutes les compagnies qui sont européennes. Alors, voilà. Donc, imaginez, là, vous avez cet aspect-là qui est très important. Notre souveraineté politique, économique, énergétique, alimentaire, environnementale et même culturelle est en jeu. OK? Tout cela sans que les parlementaires soient consultés et encore moins la population. OK? Donc, le gouvernement ne doit pas sacrifier sa souveraineté devant les intérêts économiques circonscrits. Il doit informer la population des véritables enjeux de l'accord. Alors, voilà un communiqué de presse des plus importants. Et puis, ben, écoutez, le but, tout ça, c'est de donner de plus en plus de pouvoir aux grandes entreprises pour faire en sorte que les gouvernements et nos souverainetés nationales ne représentent absolument plus rien. Donc, c'est encore plus vers l'avant dans la mondialisation et le contrôle de notre vie économique par les grands banquiers et les multinationales. Alors, c'est pas compliqué, c'est exactement ce qui se passe. L'opposition à un accord entre le Canada et l'Union européenne prend sa force dans la construction d'un front commun des mouvements sociaux des deux côtés de l'Atlantique, et puis nous devons nous unifier pour faire cesser ces conneries. Maintenant, on va poursuivre avec les nouvelles de l'actualité. Alors, ici, écoutez, vous avez ce 15 millions de la France pour que la Grèce achète des chars américains. Alors, une autre nouvelle qu'un de mes auditeurs m'a acheminée, qui valait la peine, oui, d'être repris. Pendant que les Américains nous expliquent qu'il faut sauver la Grèce, celle-ci vient d'annoncer en toute discrétion avoir acheté 400 chars Abraham M1. Alors, voyez, la Grèce, là, qui est supposée instaurer des mesures d'austérité, vraiment, tout simplement appauvrir la population au complet. Pendant ce temps-là, la Grèce se retourne de bord et puis achète 400 chars Abraham M1, donc des chars d'assaut. Alors, là, vous avez ici une citation. Selon une information du magazine Hellenic Defense Technology, les autorités américaines ont accepté de fournir 400 tanks Abrams à l'armée grecque. Ceci inclura des options comprenant la simple rénovation représentant des dizaines de millions de dollars pour tous les tanks, les chars d'assaut et la mise à plus haut niveau de la capacité opérationnelle à un coût encore plus élevé. Alors, faut-il des chars pour se défendre contre les Turcs? Qui eux-mêmes sont armés par les Américains. Alors, on le sait pas. Ça, c'est à voir. En plus des chars, il y a aussi d'autres trucs comme des véhicules blindés américains et ainsi de suite. Alors, allez voir ça. Ensuite, rapidement, ben écoutez, vous avez une étude ici qui a été publiée. La FDA aux États-Unis, qui est la Food and Drug Administration, a permis des produits de la mer, alors des fruits de mer, sur le marché qui étaient contaminés. Alors, ça, c'est une étude qui a été revue par les pairs et qui en est venue à la conclusion que le gouvernement et puis ces mécanismes-là de tests là, pour la sécurité et la méthodologie pour le golfe du Mexique et puis les produits de la mer qui en sont extraits étaient insuffisants pour prévenir des animaux et puis des produits de la mer d'arriver sur les marchés américains, alors les marchés d'alimentation. Alors voilà un autre exemple de comment justement les autorités n'en ont rien à cirer de la population. Et puis, une autre nouvelle un peu dans ce sens, dans le golfe du Mexique, on apprend que le fond marin est instable, fracturé, et puis qu'il fuit des hydrocarbures. Alors, ça, c'est un dossier qu'on a traité à fond. J'ai écrit des articles qui ont soulevé toute cette question-là durant le fameux désastre du déversement, ben, du volcan, du geyser de pétrole que BP a causé dans le golfe du Mexique, on s'en rappellera. Et puis, on a prétendu avoir colmaté ces fameux puits. Et puis, est-ce que moi, beaucoup de gens dans le mouvement pour la vérité, et puis qui vous apportent des informations alternatives véritables, vous ont rapporté, c'est que le fond marin était très instable. On a fracturé des strates géologiques qui étaient très instables. Et puis, ce qui s'est passé, chers auditeurs, c'est que même si on avait colmaté la tête de ces puits qu'on avait perforés dans le fond marin, eh ben, les hydrocarbures, le pétrole, le méthane continuaient à traverser et puis à fuir à travers le fond marin, alors à travers des fissures un peu partout et le fond carrément. Donc, ça s'est jamais arrêté. Et puis, là, on a un article justement qui révèle que ces fuites d'hydrocarbures continuent de se produire. Alors, le fond marin est de plus en plus instable depuis l'explosion en 2010. Et puis, vous avez des analyses qui ont été apportées par des experts comme Bécolim, qui montrent que justement, vous avez des dangers qui ont été développés suite à ce que vous avez des fuites de matières toxiques combinées avec les fameux dispersants, le Corexit, là, qui sont des produits chimiques très toxiques, qui vont sûrement résulter dans un fort déclin de la vie marine dans le golfe du Mexique, et puis qui vont porter beaucoup de risques aussi sur la santé des gens qui y habitent en fait tout autour du golfe du Mexique, et puis surtout qui en mangent les produits qui sortent de là. Alors voilà, donc un autre article. Le Wall Street Journal qui a été, lui, pris au fait d'acheter lui-même de ses propres journaux, de ses propres éditions, qui sont en circulation. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est un exécutif européen important là, de Rupert Murdoch qui, lui, a quitté son emploi suite aux enquêtes qui ont été faites là, au Guardian à propos des révélations qui ont été faites là, sur The News Corporation qui possède le Wall Street Journal qui rachetait de ces journaux en circulation. Alors, ça, c'est incroyable. Alors, vous avez le Guardian qui a trouvé des évidences que le journal envoyait de l'argent à travers des compagnies européennes pour secrètement acheter des milliers de copies de ses propres journaux. Alors, ce qui pouvait évidemment tromper, si vous voulez, les lecteurs et puis les annonceurs par rapport au vrai, si vous voulez, au vrai chiffre là, de circulation de ce journal. Alors, voyez, les grands journaux, les médias qui sont tellement désespérés qu'ils en sont rendus à se racheter eux-mêmes leurs propres journaux. Alors, c'est risible, mais c'est ça. Alors, vous avez d'ailleurs un peu dans cette branche-là 10 histoires que justement les médias de masse ont ignorées cette année passée selon Project Censored. Alors ça, à chaque année, on vous en parle ici à l'Autre Monde. Les autres, ils publient un article et puis ils font un répertoire là des nouvelles les plus importantes de l'année qui ont été complètement ignorées par les grands médias. Bon, là, je les passerai pas les 10, mais je vous ai quand même ici là sélectionné, à mon avis, les plus importantes. Vous avez la première ici, plus de soldats américains qui ont commis le suicide, qu'il y en a qui sont morts au combat en 2010. Alors, c'est quand même assez incroyable. Alors, c'est 6 de plus pour être bien exact. Alors, ça, c'est les chiffres qui ont été reportés par Good Magazine et qui ont été d'ailleurs mis en lumière par le Project Censored dans un article justement qui parlait du fait que 462 soldats américains ont été tués en combat en 2010, alors que 468 soldats, comptant les gens qui sont des réservistes, allant des femmes autant que les hommes, incluant les vétérans, se sont suicidés. Alors, 468 soldats qui se sont suicidés. Alors, quand même assez incroyable, c'est la deuxième année consécutive qu'il y a plus de soldats qui sont morts de leurs propres mains, de leur propre chef, en se suicidant, qu'il y en a qui sont morts au combat. Alors, ça a été la même affaire en 2009. Alors, voilà. Donc, une nouvelle qui a été très importante et qui a été complètement ignorée par les grands médias. Vous avez aussi les fameuses listes d'assassinats d'Obama. Alors, ça, on en a reparlé un peu plus aussi dans les nouvelles. Alors, vous avez la CIA et puis l'armée américaine qui ont maintenant l'autorité de tuer des citoyens américains à l'étranger, à l'extérieur des zones de guerre, s'il y a de fortes évidences, selon eux, qui existe, qu'il serait impliqué dans des activités terroristes. Et puis, ça, par contre, il y a le Washington Post qui a rapporté ça dans une de ses pages en janvier 2010. Mais ça a été, pour le tout ça, passé sous silence dans la plupart des grands médias. Vous avez aussi, en numéro 8, le mythe de l'électricité, en fait, de l'énergie nucléaire propre. OK, alors ça, on s'en est rendu compte avec Fukushima, et puis avec tous les accidents nucléaires, et puis les fuites, et puis les problèmes qui se passent depuis ce temps-là. Comme je vous dis, c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les grands médias qu'il se passe pas rien. Et puis, c'est pas parce qu'ici, à l'autre monde, j'ai pas le temps d'en parler toutes les semaines qu'il se passe rien non plus. Parce qu'à chaque semaine, je remplis, attendez un peu, là, je vais vous donner un exemple, là. Ça, c'est pour, attendez un peu, la semaine 30. On est rendu dans la 30e semaine, OK? Depuis ce désastre à Fukushima. Et puis, j'ai 23 pages juste cette semaine. D'entête d'articles. C'est même pas les articles au complet, OK? Alors, j'ai une entête de l'article plus normalement là, 10, 15, 20 lignes là, d'un article, OK? En pages, et puis j'en ai pour 23 pages cette semaine. Alors, ça varie entre 20 et 30 pages comme ça par semaine. Et puis, ce sont tous des nouvelles qui devraient faire la une. Et puis, on n'en parle pas du tout. Alors, voilà un exemple incroyable de ça. Et aussi de ce fameux mythe, là, de l'énergie nucléaire qui est propre, qui n'est pas clair, mais qui n'est pas propre du tout, mais qui est un vrai danger pour même le futur de l'humanité et de la planète Terre. Ben, pas de la planète Terre. La planète, elle va s'en sortir. Elle s'en fout bien raide, mais nous autres, par contre, on est un peu sans dessin, hein. Alors, numéro 9, le gouvernement qui manipule le climat. Alors, ça aussi, vous avez bien des gens là qui parlent de ça et puis qui en parlent un peu là de façon farfelue, mais il reste un fait que les gouvernements peuvent manipuler le climat et puis il y a d'ailleurs des accords à l'ONU qui existent par rapport à ça, qui interdisent à toutes les nations du monde d'utiliser des technologies de modification du climat. Alors, surtout aussi à des fins militaires, mais voilà que c'est dans les accords de l'ONU depuis quand même là de nombreuses années. Et puis, ben voilà, donc on en parle ici, ça l'a fait quand même le tour en 2010, on en a parlé plusieurs fois dans plusieurs articles quand même assez importants où on parle justement aussi de géo, si vous voulez, comment on pourrait appeler ça, de géo-ingénierie atmosphérique, alors de manipulation du climat. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on a des évidences, on a des documents, on a des preuves. Ça a même été admis par différentes instances qu'on a des technologies pour modifier le climat. Alors, même la Chine l'avait fait avant la venue des Jeux olympiques, et puis c'était dans les grands médias, on en parlait. Alors, la Chine avait... eux autres utilisent une technique là, avec des avions, et puis ils ensemencent les nuages là, de différents métaux et de différents produits, et puis on peut faire pleuvoir, on peut faire se dégager le ciel. Alors, voilà. Et puis, en numéro 10, ben, ça va faire un peu un clin d'œil avec un de nos sujets de cette semaine, c'est les photos de chômage aux États-Unis et puis à travers le reste du monde en réalité, mais en tout cas aux États-Unis c'est un problème très grave là. Je veux dire, les taux de chômage qui sont affichés par le gouvernement sont au moins de la moitié des taux réels, ok? Alors quand on vous dit qu'aux États-Unis le taux de chômage est à 9 ou 10%, en réalité ils sont à peu près à 20%, ok? Alors faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Ben écoutez, là justement les sites internet alternatifs de nouvelles, ben ça fait pas l'affaire de l'élite. Et puis vous avez d'ailleurs VeriSign qui a demandé la possibilité, le pouvoir de tout simplement fermer des sites qui seraient jugés abusifs. Alors on a demandé à ICANN le pouvoir là de tuer des sites internet dans le .com ou dans le .net, dans différents domaines, pour différentes affronts à se poser à la loi ou des règlements du gouvernement ou ainsi de suite. Alors voilà qu'on est simplement en train de demander que tous les blogs soient sujets à des limites de censure finalement, là, tu sais, pour les censurer, et dans chaque pays de la planète, donc tout simplement, et puis des limitations qui seraient déterminées par les médias corporatifs ou les multinationales. et que ces fameux médias corporatifs seraient pas capables de vivre avec. Alors, les grands médias sont pas capables de vivre avec les grands, avec maintenant je dirais le secteur du mouvement pour la vérité, puis des médias alternatifs. Alors, on cherche à leur fermer la gueule, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis ça veut dire aussi que, par exemple, comme une nation d'Israël pourrait fermer des sites américains qui présenteraient la vérité à propos des attaques sur, par exemple, des flottilles d'aide. Donc, vous comprenez, on va aseptiser la ligne unique, la pensée unique, et puis le message de propagande et de désinformation officielle qu'on veut faire passer dans la population sans distorsion à l'arrière des grands médias et des petits médias alternatifs. C'est pas plus compliqué, chers auditeurs, c'est comme ça que ça se passe, et vous voyez que la guerre est ouvertement menée. Donc, encouragez-les, vos médias alternatifs, et puis c'est dans vos mains aussi. Je veux dire, on fait ce qu'on fait, mais je veux dire, sans vous, et puis sans votre appui, et puis sans vos efforts pour préserver cette liberté d'expression, ces médias alternatifs, ben on va être appelé à disparaître, et puis c'est quand il va être trop tard qu'il va être trop tard. Alors, donc voilà, puis vous avez la police ici qui maintenant ont des nouveaux petits bidules qu'ils vont pouvoir utiliser pour voler les données qui sont dessus vos téléphones cellulaires alors que vous serez, par exemple, arrêté un feu rouge. Alors, ça s'appelle Cellebrite, c'est un petit bidule d'extraction des données pour les téléphones cellulaires. Puis, vous avez les agents de police qui peuvent ainsi accéder à toutes vos informations qui sont sur votre téléphone cellulaire à l'intérieur de quelques petites courtes minutes. Alors, un petit article intéressant à aller voir là-dessus. Bienvenue dans le monde de Big Brother. Ensuite, vous avez des supermarchés comme Walgreens, CVC aux États-Unis qui maintenant vont donner des rabais à ces consommateurs pour ceux qui vont avoir reçu, accepté de recevoir des vaccins contre la grippe. Alors, on est rendu là. Hein, je vous en parlais un peu la semaine passée, les fameux vaccins pour la grippe. Là, on est en train de vous faire halluciner avec ça, puis de trouver tous les moyens pour que vous puissiez vous faire piquer. Alors, on vous donne des rabais maintenant chez Randall, Safeway, Winn-Dixie et d'autres supermarchés comme Kroger, et ainsi de suite. Alors, on vous donne des rabais si vous faites piquer. Alors, voilà. Alors, vous avez un article ici d'Anthony G. Gucciardi du Activist Post où on parle ici de ces vaccins qui ont causé de l'inflammation liée au type de diabète numéro 2 et qui est en train de devenir une épidémie. Alors, c'est un autre de ces effets secondaires très problématiques de ces fameux vaccins, mais hey, on vous donne des rabais là au supermarché, donc on s'en fout, hein. Ensuite, en Californie, ben c'est toute cette histoire avec le garde-asile qui continue là de faire rage. Alors, vous avez une loi qui a été signée. Les enfants qui vont recevoir de ces vaccins sans le consentement parental. Alors, c'est incroyable. Alors, merci au gouverneur de Californie, Jerry Brown. Vous avez les fameux vaccins de Merck contre le HPV, qui est maintenant donné à des enfants de 12 ans et plus, sans le consentement des parents. Alors, c'est assez incroyable. On a complètement omis les parents de toute l'équation. Donc, voilà. Donc, c'est assez incroyable, hein? Donc, là, vous avez les fameux politiciens en Californie, hein, maintenant, qui peuvent ordonner la vaccination des enfants de 12 ans. Alors, et puis prendre la décision pour eux sans leur demander quoi que ce soit. Alors voilà. Donc c'est quand même assez incroyable. Et puis vous avez ici The National Vaccine Information Center qui a critiqué d'ailleurs le gouverneur Jerry Brown pour avoir passé cette loi. Et on dit que c'est une violation au consentement là, parental informé et leurs droits. Et puis aussi une violation de la loi fédérale. Alors évidemment que c'est une violation de la loi fédérale, et non seulement ça, c'est une violation directe là, de nos droits en tant qu'humains, là. Donc, voilà. Donc, un article très important à aller voir. Vous voyez qu'on les pousse de plus en plus, ces vaccins, et puis de toutes les façons, on est en train tout simplement de vous dire que, hey, vous êtes du bétail, on va décider, là, qu'est-ce qui va rentrer dans votre corps, c'est pas vous autres qui va décider. C'est nous autres, on sait mieux que vous autres ce qui devrait être injecté directement dans votre système. Incroyable, mais c'est tel quel. Ensuite, vous avez un article sur les ingrédients de ces fameux vaccins contre la grippe et qui sont, disons-le, très, très, très, très douteux, disons. Et puis, on demande, en tout cas, avant que vous risquiez votre santé, de vous informer à propos de ce qui rentre dans les ingrédients, dans la constitution de ces vaccins. Alors, réellement, là, il y a toutes sortes de trucs là-dedans là, qui vont vous faire sourciller. Donc, ensuite, ben écoutez, on a ici un article qui parle de ça, là, à savoir que les fameux vaccins contre la grippe de 2011-2012 pour la saison, là, on trouve les mêmes niveaux de toxicité que dans les vaccins de l'année passée. Alors, il n'y a rien qui a changé, et puis ça continue. Allez-y, allez vous faire piquer, on va vous donner des rabais à l'épicerie. Ensuite, vous avez Amnesty qui a appelé aux autorités canadiennes d'arrêter puis de poursuivre en justice George W. Bush. Alors, moi, je pensais que le truc avait été annulé, mais lui s'en vient encore, notre grand criminel de guerre, celui qui a autorisé la torture et ainsi de suite. Alors, s'en vient au Canada. Alors, c'est fantastique. Alors, Monsieur Bush, on espère que le gouvernement canadien, alors évidemment que c'est un espoir déjà perdu d'avance, là, mais c'est disons que c'est peut-être un souhait fait aux étoiles, je sais pas trop. Mais disons qu'on va espérer qu'il y a un miracle et puis qu'on arrête finalement ce grand criminel de guerre, hein, maintenant qu'on va l'avoir sur notre poigne. Et puis vous avez Obama, lui, qui a lancé sa campagne pour 2012 qui s'appelle Winning the Future. Alors, Winning the Future, alors gagner le futur. Obama qui est pas capable de dealer avec le présent, donc il essaie de vendre de l'espoir, un marchand de rêves qui veut essayer de reproduire le même spectacle de magie qu'il a fait, hein, donc un gros spectacle d'illusion en 2008 que j'avais dénoncé dès le départ, et on m'accusait de ne pas aimer Obama, de ne pas lui laisser une chance, et puis il est assez évident qu'avec qui se trouvait derrière l'équipe d'Obama, donc le gouvernement par Goldman Sachs, que c'était pour être la même affaire que George Bush et ainsi de suite, tous les autres présidents d'avance. Alors, c'était évidemment de quoi de très facile à prédire parce qu'on voit toutes les influences et qui contrôle ce gouvernement. Alors, Winning the Future, et puis vous avez Michael Rivero de What Really Happened qui a fait une drôle de... qui s'est aperçu de quelque chose d'assez drôle, c'est qu'en fait, Winning the Future, si vous prenez la première lettre de ces trois mots, ça fait WTF, alors what the fuck. Alors, est-ce que ce serait le nouveau slogan pour Obama? Est-ce que c'est un jeu de mots qui est inconscient ou conscient? Je sais pas, mais je la trouve bonne, et puis je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Winning the Future, what the fuck, ouais. What the fuck, Obama? Hey, méchant traître, hein, le gars qui te vend du rêve, mon gars, de la poudre d'en face, esprit, puis après ça, qui te tente le couteau dans le dos, il a vidé les États-Unis, mon gars, il a continué à faire en sorte que des millions d'Américains ont perdu leur emploi, les fonds de pension sont en train de fondre à perte de vue, les cités de tente qui sont installées, les États-Unis vont s'effondrer littéralement, mais hey, winning the future, hein. Yeah, yeah, yeah. Yes, we can, Obama, hein? What the fuck? Ensuite, vous avez évidemment les approbations du Congrès qui continuent de descendre comme le Titanic. Et puis là, on est rendu à 13% aux États-Unis. Alors, 13% des Américains approuvent le Congrès. Alors, voilà, les Américains, hein, ça montre exactement pourquoi vous avez tout ce mouvement d'Occupy Wall Street. Alors, les gens qui en ont soupé de justement ces grands connards élitistes qui sont en train de les violer en plein jour, esprit, de simplement les voler, puis de complètement éliminer la classe moyenne. Parlons d'ailleurs de ce fameux Obama. Vous avez ces nouvelles ici dont on parlait un peu plus tôt, et puis là, ben, on y revient. Écoutez, ces fameuses listes d'assassinats, alors ça, ça a été révélé par différents médias, dont MSNBC, Reuters. Donc, on parle ici de militants américains comme Anwar al-Awlaki, qui a été placé sur une de ces listes d'assassinats pour le capturer ou le tuer. Et puis ben là, vous avez justement des équipes comme ça là en sous-marin qui sont postées dans différentes régions du monde, et puis qui peuvent tout simplement éliminer ces gens-là. Alors, on n'a pas vraiment de preuves formelles, il n'y a rien qui est fourni à la population en tant que telle. Il faut croire ces gouvernements-là sur parole que ces gens-là, ce sont des méchants, alors qu'on a toutes les raisons de croire que ce bonhomme-là était un agent de la CIA. Écoutez, il a rencontré des gens au Pentagone, là, je veux dire, à un moment donné, là, faut utiliser son cerveau un peu, là. Et puis, ce gars-là a été tué par la CIA dans une attaque avec ses fameux drones au Yémen. à la fin du dernier mois. Et puis, ben, ce gars-là, c'est un citoyen américain. Okay? Et puis, ben là, vous avez ce gars-là qui a été tué. Alors voilà, on commence à faire des meurtres comme ça de citoyens américains sans aucun processus judiciaire valable. Et puis, on les élimine. Alors voilà le nouveau gouvernement d'Obama. Alors si vous me croyez, si vous me croyez pas, là, le Yes Weekend, là, je veux dire, lui, c'est un fou, là, c'est un malade. Okay? Alors vous avez des assassinats ciblés comme ça. Un autre article qui parle de ça là, dans le San Francisco Chronicle. Et on parle encore de ce cas qui est absolument incroyable. Vous avez d'ailleurs le sixième amendement qui garantit à l'accusé le droit d'avoir un jugement public par un jury impartial, peu importe son ethnicité ou ses activités qu'on lui reproche. Alors, le gouvernement qui maintenant a ces fameux assassinats qui sont sanctionnés par l'État et puis qu'on élimine des citoyens américains. Alors, c'est incroyable. Alors, et puis, ben écoutez, on est en train d'accepter ça comme une victoire dans la guerre contre la terreur. C'est assez incroyable. Donc, voilà. Et ensuite, bon, on est rendu où, là? OK, on avance, là, mais il y a beaucoup d'affaires, là. On va essayer de passer ça assez vite. Mais c'est important, il faut que j'en parle cette semaine. Fast and Furious. Alors, ça, c'est quoi cette affaire-là? Je le reportais depuis des semaines et des semaines. En fait, ça fait quelques mois qu'on commence à en apprendre de plus en plus. Pour les auditeurs bien informés, vous vous rappelez des fameux Contras, Nicaragua, on vendait de la drogue, on passait de la drogue, et puis on échangeait contre des armes qu'on vendait en Iran, et puis vous avez des agents du gouvernement, et puis de l'armée américaine qui est impliquée là-dedans, donc une grosse, grosse histoire. Et il semble que sous Obama et puis Hillary Clinton, on est en train de revivre la même affaire. Alors, ça fait un certain temps qu'on a de plus en plus de preuves et d'évidences. En fait, vous avez carrément là des gens maintenant qui sont sous enquête officiellement aux États-Unis. Vous avez le Congrès qui a demandé à Holder là, de comparaître. Et puis, ça c'est qui? Ça c'est l'attorney général, là, Eric Holder. Et puis d'autres gens qui ont été impliqués là-dedans. Vous avez d'ailleurs des agents du Bureau of Alcohol and Tobacco Firearms, donc un explosif. Écoutez, ça c'est une importante organisation aux États-Unis qui s'occupe de la réglementation de l'alcool, du tabac et puis des armes à feu, des explosifs, qui eux autres ont permis des ventes illégales de fusils, écoutez, de grenades, de mitraillettes, là, des armes militaires de très haute puissance qui étaient destinées pour les cartels de drogue mexicains. Et on a plusieurs cargaisons comme ça qui ont été acheminées via Phoenix, l'Arizona, des magasins d'armement au Mexique. Et puis, vous avez plusieurs articles ici que je vous ai mis, plusieurs faits. Ici, vous avez un article qui parle de 22 faits choquants à propos de ce scandale qui pourrait faire tomber l'administration Obama. Vous avez Hillary Clinton qui est intimement impliquée là-dedans, qui semble même avoir été à la tête de l'organisation de ça. Et puis ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que si on se fie à ce qui est arrivé avec le contrat, c'est que c'est pas juste une histoire d'armement. On disait comme prétexte qu'on voulait voir tracer où ces armes étaient pour se diriger, atterrir, pour essayer d'identifier différents, si vous voulez, membres de ces cartels de drogue mexicains qui sont tellement importants qu'ils contrôlent les villes au complet. En fait, contrôlent vraiment le pays au complet. Ces gens-là sont équipés d'armements très impressionnants. Et vous avez des milliers de personnes qui ont été assassinées juste l'année passée dans des guerres intestines comme ça pour le contrôle des marchés de la drogue. Et puis vous avez le gouvernement américain et différentes de ces agences qui ont fourni des armes à ces cartels. Et puis, Si on veut vraiment comprendre toute l'ampleur de ce dossier-là, de ce scandale-là, il faut chercher maintenant la connexion avec la drogue, parce que c'est évident qu'il y a aussi un trafic de drogue derrière ça. Alors, vous avez la Maison-Blanche et Obama qui savaient plusieurs choses. Un article qui parle de ça ici. Et puis, vous avez ce scandale de drogue et d'échange de fusils qui touche les deux partis et trois présidents. Comme je disais, de nouvelles évidences qui montrent qu'Hillary Clinton était à la tête, une des chefs de ce projet Gunwalker qu'on appelait l'opération Fast and Furious. Hillary Clinton qui est profondément impliquée dans ce scandale, mais non seulement profondément impliquée, mais qui était une de ses têtes organisatrices, un de ses masterminds. D'ailleurs, Hillary Clinton était au centre de l'ancienne opération de drogue et de fusils et d'armement, l'Iran-Contra. Et puis, c'est probablement une des raisons, et puis une des choses qui expliquerait d'ailleurs pourquoi elle jouerait un rôle majeur dans ce scandale présent. Alors, allez voir ça, écoutez, c'est assez incroyable, un truc là qui est en train d'éclater au visage du gouvernement d'Obama, de l'administration d'Obama, et qui risque de faire tomber cette administration-là. C'est un scandale énorme parmi les autres. Et puis là, ben, vous avez mêlé à ça, parce que là, il faut vraiment changer, si vous voulez, le paysage médiatique et puis de révolte qui est en train de souffler à travers l'Amérique. Et puis, cette semaine, on a eu une supposée fausse attaque terroriste. Une fausse attaque terroriste qui a été placée, le blâme a été placé sur un vendeur de voitures usagées du Texas, je me rappelle bien, qui lui apparemment, avec l'aide des cartels du Mexique, cartels de drogue du Mexique, voulait supposément abattre un ambassadeur de l'Arabie Saoudite à New York. Une histoire incroyable. Et ce gars-là aurait des connexions avec l'Iran. Et puis là, vous avez tout le gouvernement américain et puis les médias qui ont embarqué dans le bateau de blâmer l'Iran pour cette supposée attaque terroriste qui était planifiée. C'est incroyable. Une guerre, en fait, une fausse attaque à pavillon, une false flag attack, blâmée sur l'Iran pour lancer la guerre contre l'Iran. Une guerre qui est demandée et qui est voulue et fomentée et provoquée par Israël et par les États-Unis, qui sont, disons-le, contrôlés par Israël en ce qui concerne ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'est grave parce que là, on est. Vous vous rappelez des nouvelles où je parlais que les États-Unis ont acheminé une cinquantaine de bunker busters, alors de ces fameuses bombes pour détruire des bunkers, alors qui sont clairement destinées à être utilisées contre des installations nucléaires iraniennes souterraines. On veut partir une guerre contre l'Iran. Vous savez, un gars qui s'appelle George Napolitano, qui anime une émission aux États-Unis, qui accuse l'attorney général Holder d'utiliser ce supposé scénario d'assassinat d'un ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour distraire justement de ce scandale de Fast and Furious. Alors, on essaie de distraire les gens de ce qui se passe aussi, des manifestations, excusez-moi, d'anglicisme, dont qui se déroule à Wall Street et qui commence à peser lourd sur l'élite, là, qui commence à faire peur, disons-le. Alors, boum, on a tout d'un coup ce pseudo-attentat terroriste qui nous arrive, qui, selon les États-Unis, est lié à l'Iran. c'est incroyable. Vous avez le FBI, le DEA, des agents qui sont impliqués là-dedans. Donc, grosso modo, on choisit quelqu'un. On choisit un sans-dessin. Je l'ai souvent expliqué sur l'émission, mais répétons-le. On choisit un épais, quelqu'un qui est impliqué d'une façon ou d'une autre dans des histoires loufoques. On lui place des explosifs dans la main et puis toutes sortes de bidules qui pourront être assimilés à une préparation d'un attentat terroriste. Et puis là, on dit « Ah! Ah! Ah! Voilà le terroriste! » Et puis là, ben on l'arrête et puis là, on fait un gros splash médiatique avec ça. Et puis là, ben on en fait ce qu'on en veut. OK? Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Et puis là, après ça, on vous demande d'oublier à propos de Fast and Furious, d'oublier à propos de l'économie, d'oublier à propos des guerres illégales qui ont toujours lieu au Moyen-Orient, d'oublier à propos de toutes les fraudes des hypothèques aux États-Unis, d'oublier ce qui se passe à Wall Street avec Occupy Wall Street, d'oublier à propos que le pétrole fuit toujours dans le golfe du Mexique. Hein? Là, il faut avoir peur des terroristes. Oh, les terroristes qui sont épeurants, eux autres, ils font vraiment peur. Je suis effrayé. Ouh! OK? C'est ça qui est l'affaire ici. Alors, là, écoutez, le suspect, lui, a été interrogé pendant 12 jours. Ça aurait été porté par la CIA. Hein? Alors, le temps qu'on lui brûle le cerveau, là, on le torture un peu. Hein? Donc, lui, après ça, ben, il va admettre à peu près n'importe quoi, hein, d'avoir voulu tuer un ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Et puis, ce monsieur-là s'appelle Mansour Arbabsiar. Alors, j'espère que je le prononce bien. Et puis, lui, écoutez, on va le toaster bien raide, ça, c'est bien certain. Et là, ben, vous avez toutes sortes d'articles ici que je vous ai mis. Là, on va essayer de couper ce cours, là, mais je veux dire, écoutez, toutes sortes d'articles qui parlent de cette histoire-là, qui vraiment documentent que ça n'a aucun sens. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Alors, toutes ces informations-là, à propos de ce plan d'utiliser les cartels de drogue mexicains pour assassiner l'ambassadeur saoudien aux États-Unis est basé sur une confession qui a été obtenue après 12 jours d'interrogation utilisant des méthodes dont le waterboarding qui sont appliquées à tous les suspects d'enquête de terroristes. Et puis évidemment que sous la torture, les gens admettent absolument n'importe quoi et puis ils disent n'importe quoi aussi. Alors la prochaine question est de savoir est-ce que Israël et puis les États-Unis sont assez désespérés pour partir une guerre contre l'Iran? À un point tel qu'ils vont mettre en place une fausse attaque, une attaque à faux pavillon, une false flag attack à l'intérieur des États-Unis. Est-ce qu'on va assister à quoi de spectaculaire qui va être blâmé sur l'Iran? Donc voilà. Un Américain iranien qui est accusé d'organiser l'assassinat de ce Saoudien. Un assassinat qui aurait coûté 1,5 million de dollars. Voyons donc. Une histoire complètement débile. Et puis là, ben, vous avez les États-Unis qui ont alerté ses citoyens à l'étranger de possibles actions iraniennes. Ensuite, vous avez la Air Force qui on a planifié là, bon, d'augmenter leurs activités. Alors, à des niveaux assez élevés. Alors, écoutez, là, on fait ce qu'on arrive, c'est qu'on fait des exercices militaires. On en fait doubler les exercices quotidiens pour les préparer à quelque chose. Puis là, ben, vous avez le département d'État qui est en plein processus contre l'Iran, de démoniser l'Iran, de les accuser de toutes sortes d'affaires. Les États-Unis ont demandé à ce que l'Iran soit puni. Ça a été fait sur la scène internationale. Les États-Unis qui essayent d'unir le monde contre l'Iran. Alors, les États-Unis qui se voient complètement démasqués en plein jour de cette fausse attaque. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, ben, le gouvernement, au lieu d'admettre qu'ils ont fait une erreur, qu'en fait, que cette fausse attaque terroriste était bel et bien justement que ça, une fausse attaque, que ça avait absolument rien à voir avec ça. Et bien là, au lieu d'admettre ça, ben vous avez les États-Unis qui vont tout simplement continuer à pousser cette histoire-là. OK? Tout simplement pour se préserver, pour éviter que tous les gens rient de ce gouvernement-là et de se rendre compte qu'ils nous mentent en pleine face. OK? Alors, pour isoler l'Iran, ben là, vous avez les États-Unis qui ont pressé les inspecteurs de l'ONU, des Nations Unies, à propos des données nucléaires. Alors, là, on a essayé de ressortir le dossier des armes nucléaires de l'Iran, qui est complètement inexistant. D'ailleurs, selon l'Agence de l'énergie nucléaire internationale, il n'y a aucune information qui existe, parce que, justement, il n'y a aucune preuve que l'Iran ait effectivement un programme militaire nucléaire. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe là avec toutes ces histoires-là. D'ailleurs, vous avez encore l'Agence de l'énergie nucléaire atomique, en fait, internationale, qui a inspecté les installations iraniennes au mois d'août de cette année. L'Iran qui a permis à des inspecteurs nucléaires des Nations Unies d'accéder à ces installations et puis qui, en fait, développe l'enrichissement. Donc, vous avez les machines là, d'enrichissement avancé là, d'uranium. Et puis, on a fait le tour de tout ça. Et puis, on n'a absolument rien découvert. Donc, vous comprenez que là, on est en train de monter un faux dossier, de monter une fausse terreur. Et puis, on est en train de se préparer à quelque chose qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour les États-Unis, mais pour la planète entière. Donc, si Obama plie les genoux et puis donne la lumière verte à une attaque israélienne contre l'Iran, ben on pourrait bien partir non seulement une guerre régionale, mais aussi une guerre mondiale qui pourrait potentiellement inclure la Russie et la Chine, qui sont, disons-le, eux armés de bombes nucléaires, qui seraient sur le côté évidemment de l'Iran. Alors voilà, comme je vous disais, des nouvelles très très importantes. Donc allez voir ça. On parle ici de preuves fabriquées par le FBI pour essayer d'incriminer ce monsieur-là du Texas. Les États-Unis qui sont poussés à expliquer les accusations face à l'Iran. Donc on demande des preuves. Et puis, évidemment, toute cette histoire est en train de tomber en morceaux parce que, justement, il n'y a aucune preuve qui se tient derrière ça. Ça n'a absolument aucun sens. Ça ressemble plutôt à un scénario, un pauvre scénario de film qui ne serait même pas accepté par les directeurs d'Hollywood, dans lequel un idiot sans dessin et puis un petit criminel essaierait de tuer un ambassadeur saoudien, puis c'est à savoir qu'est-ce que ça ferait, anyway, je veux dire, quel impact que ça aurait, je veux dire, même le scénario qu'on essaie de nous faire passer ne fait aucun sens, je veux dire, quand on pense à ça, ça n'a aucun espèce de bon sens. Et puis, on nous dit après que, bon, apparemment qu'il y aurait 100 000 $ qui a été viré de l'Iran à la DEA, un informateur. Et puis, il faut savoir qu'il est impossible de virer de l'argent à partir de l'Iran vers les États-Unis selon les lois américaines qui sont en place en ce moment. OK? Donc, l'argent a été viré d'autres agences de services secrets. Et puis là, bon, on ne peut que penser à soit la CIA ou le Mossad israélien. OK? Donc, Obama qui a déclaré que l'Iran va payer le prix. Là, on sort les gros mots dans les médias. Et puis il faut savoir que dans les sections des commentaires de plusieurs de ces articles, on remarque qu'il n'y a pas grand personne là, qui réellement croit à cette histoire-là de vendeur de voitures usagées. Et vous avez un insider du FBI, lui, qui a déclaré que cette histoire-là de complot iranien serait une création de la Maison-Blanche. Il n'y a aucune information du tout à propos de ce complot à l'intérieur du FBI. Le FBI détient aucune preuve là, qui pourrait vraiment prouver qu'il y a eu un tel complot là, fomenté par l'Iran. Donc voilà. Donc réellement, c'est une histoire. Aucune évidence directe là, de l'implication du gouvernement iranien, de sa complicité dans cette histoire-là. Obama qui, comme je vous dis, va déclarer que l'Iran va payer le prix. Alors c'est incroyable. Et puis évidemment qu'on ne nous présente jamais absolument aucune évidence de quoi que ce soit. Il faudrait croire le gouvernement sur parole, encore une fois. Et puis, écoutez, c'est un autre gouvernement qui nous ment en pleine face, un autre mensonge. Et puis, c'est un mensonge de plus. Alors, on sait que le gouvernement et puis américain et tous nos gouvernements nous mentent sans cesse. Donc, le gouvernement américain peut pas arriver puis hausser les épaules puis dire « Ah, oh, ouais, c'est juste une farce, là. Ouais, oubliez ça, là. » Donc, le gouvernement américain va continuer. Il sera pas capable d'admettre une erreur ou pire, d'admettre qu'ils ont menti au public sur une échelle vaste à ce point. Alors que tout le monde sait que c'est effectivement le cas. Et puis, le fait que le gouvernement américain l'a fait, prouve encore qu'ils avaient l'intention derrière. Alors, c'était l'intention de mentir encore. Alors, c'est un peu comme les fameuses armes nucléaires de Saddam Hussein, comme le 9-1-1. Et puis, on n'a pas besoin de plus d'enquête. Alors, on sait que le gouvernement américain et puis nos gouvernements nous mentent. Et puis, ils voudraient que nos enfants aillent se faire exploser en petits morceaux dans ces guerres inutiles. C'est incroyable. Il est temps qu'on fasse quelque chose à propos de ce problème. Et puis, c'est, je crois, une partie de ce qui se passe justement dans les mouvements comme Occupy Wall Street qui est en train de se répandre à la planète entière. CNN, d'ailleurs, parle justement d'un scepticisme par rapport à tout ce complot d'assassinat iranien. Donc, voilà, c'est quand même assez incroyable, mais c'est ça, les États-Unis qui ont les yeux sur la banque centrale iranienne comme pour imposer des sanctions. Ah ben voilà, oups, voilà qui est toujours encore pour l'argent, oups, c'est assez spécial, la banque centrale iranienne qui est ciblée. Donc, allez voir ça, le lobby sioniste, dans un autre article, on parle qui influence les États-Unis en accusant justement l'Iran de ce complot. Ça vient d'un analyste sur Press TV. Alors, oui, Israël, évidemment, est impliqué là-dedans. Ça ferait tellement leur affaire qu'on se lance dans une guerre contre l'Iran. Alors, il faut abattre tous les ennemis d'Israël au Moyen-Orient. Bien certain. Donc, voilà, un autre ici, une étude là, du NYU, donc de New York University School of Law. Alors, vous avez des gens là-bas qui ont publié un article, en fait, une étude que la menace de terrorisme en sol américain est complètement manufacturée, fabriquée. OK? Et qui d'ailleurs parle de ces faux attentats impliquant des hommes musulmans dans des crimes qui normalement ne commettraient pas. Alors on les fait tomber dans des trappes. On fabrique des fausses menaces comme ça. On fait tomber des gens là-dedans, puis après ça on les accuse. Donc imaginez une étude à New York University School of Law qui parle de ça. Alors, des menaces terrorisme qui sont fabriquées. Et puis, avant de passer à la pause, on va terminer avec le dossier de l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous voyez que, justement, cette guerre de domination mondiale est en train de prendre toute son ampleur. Vous avez des nouvelles absolument renversantes, bouleversantes, inquiétantes, qui sont encore sortis cette semaine. Et puis, c'est bien qu'on ait passé quelques semaines, les semaines passées. D'ailleurs, si vous ne les avez pas écoutées, allez les revoir dans les archives. Mais si vous avez été écoutés, si vous avez été à l'écoute de l'Autre Monde les dernières semaines, vous avez vu qu'on a fait un grand retour sur ce qui se passe au Moyen-Orient puis en Afrique du Nord. Puis là, vous allez comprendre encore plus et puis ça va tomber plus en place. Les pièces vont tomber en place pour comprendre ce qui se passe. Et puis là, vous allez vraiment voir un peu là tous ces plans en action. Ben, en Afrique, là, vous avez Obama cette semaine qui a envoyé des troupes de combat en Afrique centrale pour aider à combattre contre des rebelles. Alors ça, c'est incroyable. Parce que là, en Libye, on envoie des bombes et puis des forces militaires pour supporter les rebelles. Et puis là, ben ici, on est contre les rebelles. Alors voilà que ça dépend bien de comment les États-Unis les perçoivent, à savoir si c'est des amis ou des ennemis. Hein? Donc c'est très, très, très subjectif leur affaire. Donc le président Obama, ce prix Nobel de la paix, a déployé des troupes en Afrique centrale pour aider, comme je vous disais, à combattre contre l'armée de résistance de Lord. Alors, c'est 12 troupes ici qu'on envoie avec l'équipement de combat approprié qu'on écrit dans cet article, qui ont été déployées le 12 octobre. Et puis, approximativement 100 au total vont être déployés, incluant une deuxième équipe de combat et des quartiers généraux de communication et puis de personnel logistique. Les forces vont fournir de l'information et des conseils pour assister des nations, des forces des nations qui seront sélectionnées. Alors, c'est ce qu'Obama a expliqué. Et puis, on dit que les troupes ne vont pas combattre, excepté en autodéfense. Alors, bon, c'est évidemment ce qu'on nous dit. Les troupes ne vont pas intervenir. Hein, ces gens-là vont être bien, bien tranquilles. Ils vont s'asseoir, ils vont boire du café. Ben ouais. Alors, vous avez l'Ouganda, ici, c'est rapporté par AFP, qui, elle, souhaite la bienvenue aux troupes américaines pour chasser les leaders rebelles. Alors, voilà, c'est l'Ouganda qui est en question ici. Alors, on apprend ça dans un autre article. Et puis là, dans un autre article ici, ben on apprend qu'Obama, lui, vient de faire un beau doigt du milieu de la main à la Constitution, encore une fois, en envoyant ses 100 soldats des opérations spéciales en Afrique. Hein? Parce que là, apparemment, que les guerres en Somalie, au Yémen, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Libye, hein? Des guerres qui, pour quelques-unes d'entre elles, n'ont jamais été déclarées ou approuvées par le Congrès. Alors, comme ce n'était pas assez pour le gagnant du prix Nobel de la paix, eh bien, on envoie des troupes maintenant en Ouganda. Ben oui. Alors ça se trouve à être le 8e front militaire de guerre qui est ouvert par l'armée américaine. Alors que, comme je vous disais, les États-Unis occupent l'Irak, l'Afghanistan, qui mène une guerre couverte au Pakistan, qui conduit des attaques avec des drones au Yémen, en Somalie, qui bombarde la Libye, qui est en train de se positionner pour une confrontation plus large avec l'Iran et la Syrie. Vous avez le prix Nobel de la paix, hein? Le président Obama, qui maintenant, tranquillement, silencieusement, sans trop de fer, de fanfare, envoie 100 troupes pour aider le président ougandais, Yoweri Museveni, hein, j'espère que je prononce son Museveni, je sais pas trop, là, écoute, le petit nom, là, qui sonne terroriste un peu, hein, pour écraser des rebelles qui menacent son règne de dictateur de 25 ans. Oh, les États-Unis qui supportent un dictateur de 25 ans en Ouganda. Eh, gadon, c'est spécial, toi, parce que c'est bizarre, parce qu'en Libye, justement, c'est ce que les États-Unis voulaient faire, c'est faire tomber le dictateur qui était là depuis 25 ans, mais en Ouganda, c'est correct. Ah, ben. C'est spécial. Hein? C'est un peu comme une intervention réversée de style libyen. Alors, où les États-Unis envoient des troupes pour écraser, non pas assister des rebelles qui essayent de s'insurger contre un gouvernement autoritaire despotique. N'est-ce pas incroyable? Ironiquement, tout comme les rebelles de la Libye, les rebelles en Ouganda sont aussi listés sur la liste là, des organisations, des terroristes étrangers, des listes qui appartiennent au département d'État américain. Imaginez. Alors, au lieu de au lieu d'émettre des mandats d'arrêt de la Cour criminelle internationale, comme on a fait comme en Libye là, contre Kadhafi. Alors, au lieu de faire ça au sein d'Ouganda, ben là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est écraser Joseph Kony puis ses rebelles. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. N'est-ce pas assez incroyable? Eh oui, ben c'est comme ça que ça se passe. Le président ougandais, est-ce que c'est un monsieur sympathique? Ben oui, c'est un monsieur sympathique. C'est quelqu'un qui a présidé sur le meurtre de masse et puis le déplacement de 20 000 de sa propre population pour faire place à des corporations britanniques qui voulaient construire sur des plantations. Alors, vous avez avec l'assistance militaire britannique et américaine, et puis bon, différents là, deal de business. Et avec le gouvernement ougandais, ben là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chassé des gens comme ça, et puis on a fait place. Alors, ça, c'est fantastique. On est là pour faire des interventions humanitaires, chers éditeurs. Hein? Ça n'a rien à voir avec des affaires humanitaires. Absolument rien à voir. Ça a à voir tout avec ce qui se passe là-bas, contrôler les ressources. OK? Ça qui est important à savoir. Maintenant, vous avez les États-Unis qui conduisent des opérations militaires ouvertes ou couvertes dans au moins 8 nations à l'étranger. Alors, je répète, l'Irak, Afghanistan, Yémen, Somalie, l'Iran, Libye, Pakistan et maintenant l'Ouganda. Les États-Unis ont plus de 820 installations militaires dans au moins 135 pays. Alors, voilà pour la domination mondiale. Et puis, comme Wall Street et puis Londres sous la férule des sionistes israéliens et les sionistes à l'étranger, les sionistes banquiers internationaux qui recherchent l'hégémonie globale, eh bien, on se retrouve devant ce scénario. C'est assez incroyable. Alors, l'humanité qui est en train de perdre sa liberté, qui est en train de se faire conquérir puis de tomber esclave. Ça, c'est fou. Disons-le. Il est en d'identifier ces fameux intérêts financiers corporatifs qui poursuivent cet agenda, qu'on les boycotte, qu'on les remplace, qu'on les traîne en justice, qu'on les envoie à Guantanamo. On apprend dans une autre nouvelle ici, écoutez, c'est Heritage Oil qui a annoncé les détails d'une découverte d'une réserve de pétrole immense en Ouganda avant-hier. Ah ben, gadons ça! Méchante coïncidence! La compagnie a déclaré que ça pourrait être la plus large découverte de pétrole sur le continent subsaharien africain. C'est pas une petite poche de pétrole qu'on vient de découvrir, ça serait probablement une des plus grandes en Afrique. Come on! Vous pensez pas qu'Obama a envoyé des troupes pour défendre la démocratie ou pour défendre la paix et la liberté? Ou quoi que ce soit de cette marde-là? Pensez-vous que c'était pour ça? Right. Right. Alors, vous avez un sondage ici. Combien de nations est-ce que l'Amérique, les États-Unis ont envahi? Alors, vous avez un autre article ici. On parle de 10. Selon un article qui a été publié le 16 octobre 2011. Alors, écoutez, là, je l'ai nommé. Là, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libye, Somalie, Yémen, l'Ouganda. Vous avez le Soudan du Sud. Vous avez la République de l'Afrique centrale, et puis vous avez aussi la République démocratique du Congo. Ah, là, on ajoute deux plus. Ils sont là aussi. Ils sont partout, ces gens-là, coudonc. Un total de 10 nations que les États-Unis ont envahies. Ce serait peut-être temps qu'on fasse de quoi? Donc, c'est pour ça que c'est une nouvelle importante. L'Amérique qui était à la conquête de l'Afrique. Vous avez ici un article qui parle des rôles de la France et d'Israël là-dedans. Alors, un article important à les découvrir. Et puis, on va terminer rapidement avec du Brasse Camarade aussi qui continue d'augmenter dans cette région-là, qui est probablement et fortement, avec toutes les évidences qu'on a, fomenté d'ailleurs par Israël. Alors là, vous avez des massacres par la junte égyptienne qui sont soutenus aussi par les États-Unis contre les manifestants. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ça dans les médias, moindrement que vous avez écouté à la télévision. Alors, vous avez les militaires égyptiens qui sont très échaudés de tout ce qui s'est passé en Égypte, qui ont mené des attaques brutales contre les manifestants au Caire, tuant au moins 36 personnes et en blessant des centaines. Ça, c'est arrivé alors qu'il y avait une démonstration de plus de 10 000 manifestants au Caire. Alors, on doit savoir aussi que j'ai un autre auditeur qui m'a fait parvenir une excellente entrevue avec Mark Glenn, si je me rappelle bien, c'était bien avec lui, qui justement parlait de ce qui se passe en Égypte. Et puis, ne soyez pas dupes, chers auditeurs, avec ce qui se passe en Égypte. Vous avez entendu parler de cette fameuse église catholique qui a été incendiée, bombardée, puis pas bombardée, en fait, qu'on a fait exploser. On a réduit en cendres. Et puis évidemment que là, ça, c'est des tensions sociales très sensibles en Égypte, là, entre catholiques et entre arabes qui existent. Et puis là, on essaye de fomenter un déchirement du tissu social qui bénéficie à qui? Qui ne bénéficie qu'à une nation dans cette région, à Israël. Israël qui a un plan depuis longtemps de parceller toutes ces nations. On parle de l'Iran, de l'Irak, de l'Égypte, de les parceller. La balkanisation pour les réduire en des unités, différentes unités séparées. Alors, je sais pas moi, séparer l'Égypte en deux factions religieuses. L'Irak qui pourrait être séparé en plus de trois factions, donc trois territoires, trois pays différents. Donc, on essaie de balkaniser toute la région pour que le pouvoir principal soit entre les mains d'Israël. Alors, vous devez être très conscient de ça. Vous avez la Turquie qui veut que l'Égypte passe ses pipelines de pétrole à l'extérieur d'Israël. Alors, on veut éviter le territoire israélien. Alors, on veut acheminer le gaz naturel à l'Europe à travers la pipeline qui s'appelle Nabucco, qui est un genre de pont de pétrole vers l'Asie. Et on veut éviter Israël et puis le Cyprus. Alors, évidemment que ça va pas faire l'affaire d'Israël. Et puis là, ben, oups, tout d'un coup, il y a toutes sortes de tensions puis d'affaires des églises qui passent au feu en Égypte. Eh ben, regardez ça. Les États-Unis, eux autres qui arment le Bahreïn, alors qu'ils décrit les ventes d'armement russes à la Syrie. Alors, voilà encore là, les deux poids, deux mesures. Pendant ce temps-là, ben, vous avez au Washington Post, Bloomberg, dans un débat présidentiel républicain, vous avez le sénateur Rick Santorum qui a déclaré, lui, qu'il voulait aller en guerre contre la Chine. Alors, vous voyez là, hein? Il y a des nuages de guerre à l'horizon, ouais, qui se pointent, et puis ça regarde pas très bien. Vous avez aussi l'Inde qui se prépare une guerre conventionnelle contre le Pakistan, selon le Pak Daily, alors un journal là-bas. Alors, voilà, donc ça va super bien. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux autres, avec leur attaque avec les drones, ont tué 70 personnes en Somalie. Ça s'est rapporté par Press TV, alors ça va bien. On continue à tuer des gens comme ça, il n'y a pas de problème, hein? Donc, des accidents. Et puis, d'ailleurs, dans un autre accident, vendredi dernier, les États-Unis ont tué un autre 11 personnes et puis en ont blessé 34. Alors, la Somalie est le sixième pays où les États-Unis conduisent des attaques avec les drones. Donc, on bombarde des régions comme ça de ces pays-là. C'est incroyable. Aviez-vous réalisé que les États-Unis sont en guerre contre la Somalie? Donc, voilà, c'est ce dossier très important dont je voulais parler. Donc, voilà, on va passer à la pause musicale. Et puis, après ça, en revenant, on va parler brièvement de la Libye. Puis, on va faire, après ça, le reste de l'émission sur l'économie. Alors, ce dont j'avais peur va se produire. J'aurais pas le temps de parler de Fukushima, mais au moins, en tout cas, on va le temps de parler là, des nouvelles les plus importantes et aussi de l'économie. Donc, ça va être déjà un bon bout de chemin de fait. On pourra se concentrer la semaine prochaine un peu plus sur Fukushima. On fait ce qu'on peut, chers auditeurs. On fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc, on passe en pause musicale et puis on se retrouve immédiatement après. Vous êtes de retour de la pause musicale. Alors, on va aborder rapidement là, ce qui se passe en Libye parce qu'on peut pas sauter une semaine là, sans en parler avec surtout ce qui se passe là-bas et puis les derniers revirements. On a appris via Reuters que apparemment la Libye devait 1 milliard de dollars pour la révolution qui a consommé énormément de pétrole. Alors, on dit que la Libye a importé 1,6 milliard en valeur de pétrole durant les 6 mois de la révolution, incluant en provenance du Qatar et de la Turquie, et qu'ils ont maintenant repayé 890 millions de dollars. Et alors, n'est-ce pas assez incroyable? Alors voilà, c'est probablement aussi un des motifs pour lesquels les guerres sont créées aussi, pour plonger les deux côtés qui sont en guerre dans la dette, une dette qui est due aux banquiers internationaux, une dette qui va être due et qui devra être payée au travers plusieurs générations à suivre. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les banquiers privés centraux contrôlent l'argent public et les dettes. Donc, c'est évidemment avec les guerres aussi que justement les pays tombent dans la dette le plus rapidement. Donc, voilà. Donc, là, vous avez des nouvelles batailles, des escarmouches qui ont fait éruption dans le cœur même de la capitale libyenne et qui donc vous avez écouté c'est vous avez des échanges là des échanges armés okay, qui ont fait éruption entre plusieurs centaines de forces révolutionnaires et entre les ceux qui soutiennent Muammar Kadhafi depuis la première fois en un mois ou deux, et là vous avez écouté d'autres nouvelles là, aussi qui parlent d'une résistance farouche, même des forces pro-Gaddafi qui ont réussi à repousser les fameux révolutionnaires, là, les rebelles terroristes là, de l'Al-Qaïda, soutenus par les États-Unis. Disons les choses telles qu'elles sont, c'est pas pour faire un jeu de mots ou pour faire comique, là. C'est tel quel, là. C'est vraiment ça qui se passe. Donc là, ben écoutez, vous savez, même de ces supporters, cette résistance libyenne qui s'organise et qui fait de plus en plus d'avancées. Alors, vous avez ces résistants libyens qui ont abattu maintenant un Apache et puis un appareil Chinook. Alors, ce sont des hélicoptères de l'OTAN qui ont été abattus. Et puis, vous devez savoir que le Conseil national de transition a perdu plus de 1 000 combattants et plus de 1 500 ont été blessés. Là, ça commence à être des chiffres assez importants. Et puis, ce sont encore des faits qui vous sont cachés par les médias de masse. On ne veut pas que vous pensiez que la résistance libyenne ne veut pas de l'intervention, entre guillemets, humanitaire de l'OTAN. De plus en plus de grands succès pour la résistance verte, alors la résistance pro-libyenne, pro-Kadhafi. Et puis, là, vous avez plusieurs articles qui parlent de ça, et des vidéos à aller voir, des démonstrations, des manifestations qui ont été tenues en Libye contre l'OTAN, contre les rebelles terroristes. Alors, il apparaît que le peuple de la Libye ne sont pas très, très enchantés avec le nouveau gouvernement imposé par l'OTAN et les États-Unis. Donc, vous avez les loyalistes de Kadhafi qui ont réussi à repousser des attaques majeures à Sirte, cette ville qu'on avait assiégée. On a affamé les civils qui s'y trouvaient, on les a chassés, les gens ont dû quitter la ville. C'est quand même incroyable, c'est des campagnes de terreur qui ont lieu là, qui sont menées par l'OTAN et les États-Unis en Libye. D'ailleurs, l'OTAN qui a déclaré aussi que, en fait, la résistance en Libye était surprenante. Alors, vous voyez que c'est pas le succès rapide qu'on vous avait dit qui était pour se passer en Libye en quelques semaines qu'on est rendu après plusieurs mois, n'est-ce pas? Les États-Unis avaient dit d'ailleurs la même affaire à propos du Nord-Vietnam. Donc voilà, une étude ici qui a été aussi une étude qui a été fuite, qui montre que des compagnies ont conseillé le Pentagone sur du cybersabotage contre la Libye. Alors, voyez, encore là, des informations importantes, des compagnies qui ont conseillé les États-Unis pour lancer des attaques, des cyberattaques contre les infrastructures de gaz et de pétrole libyens, et puis pour créer un virus d'ordinateur similaire à Stuxnet qui attaquerait les raffineries côtières. Alors voilà, c'est correct d'attaquer d'autres nations via l'Internet, mais les États-Unis considèrent une cyberattaque comme un acte de guerre. Alors vous vous rappelez de ça, c'est une nouvelle. D'il y a quelques mois, les États-Unis déclaraient que maintenant les cyberattaques contre les États-Unis étaient considérées comme un acte de guerre. Mais pour eux autres, c'est correct. Alors bravo pour les doubles standards. Donc voilà rapidement pour ce qui se passe là-bas en Libye. Donc ça clôt le sujet pour la semaine à propos de ça. Donc dernière chose maintenant, dernière chose, on va parler de ce qui se passe dans l'économie. Puis là, ben il y en a énormément à couvrir, évidemment, le dossier de l'économie. Écoute, on pourra en parler là, pendant quelques émissions d'affilée. On pourra en faire une dizaine d'heures là-dessus, là, facilement, aucun problème. Il se trouve que, comme je vous disais dans le passé, que l'économie est en train de manger un sacré coup dans les dents. Et vous voyez présentement les États-Unis et l'Europe qui sont en train de s'écrouler, le système bancaire avec lui. La question est bien sûr de savoir si c'est fait volontairement ou pas. Ceux qui croient au hasard dans les finances et au niveau de l'élite, ben, continuent à croire au hasard. Évidemment que quand on regarde qui profite de ces crimes financiers puis de ce vol en plein jour et de destruction de l'économie mondiale et qui en poche en ce moment, vous allez comprendre que c'est les mêmes qui ont orchestré ce système financier, ce système bancaire. Et vous comprendrez rapidement qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard là-dedans. Là, les choses vont aller de plus en plus vite. Vous avez une grande crise européenne, des banques, la Grèce qui est en train de mordre la poussière, comme toute la classe moyenne. Vous avez Jim Rogers qui a déclaré que les États-Unis vont faire l'expérience d'une stagflation pire que dans les années 70. Alors, stagflation, ça veut dire une inflation et une stagnation de l'économie. Alors, ce qui arrive, c'est que, évidemment, que les chiffres d'inflation vont s'empirer et les gouvernements vont continuer d'imprimer de plus en plus d'argent de papier. Et puis de plus qu'ils vont imprimer de l'argent de papier et puis des bons du trésor, ben ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on va tout simplement s'écraser. Il ne restera plus rien de la valeur de ces dollars-là et puis de l'économie. Là, ça se fait en parallèle avec les fameuses manifestations dont vous avez entendu parler de plus en plus dans les médias, Occupy Wall Street, qui maintenant se répandent à l'échelle de la planète. Là, vous allez voir des quantités d'informations assez impressionnantes que je vais vous publier cette semaine. Une liste de tous les pays où on voit de ces manifestations. C'est un phénomène qui est rendu planétaire. Les gens sont en train de se fâcher. Ils sont en train de dire, là, ça suffit. Ça suffit le vol en plein jour. Ça suffit les manipulations financières. Ça suffit les mesures d'austérité. Ça suffit le vol. Ça suffit la corruption, la collusion. Ça suffit. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Vous allez voir des nouvelles dans les articles que je vais vous proposer cette semaine où on apprend que ces mouvements Occupy Wall Street maintenant se sont répandus à des dizaines de villes américaines. Vous avez un article qui parle de plus de 70 villes majeures aux États-Unis, juste aux États-Unis. Et dans le monde, vous avez différents articles qui font état de 950 plus de 1300-1400 villes à travers la planète. À l'intérieur d'une multitude de nations où on a, écoutez, on parle ici là, de plus de 82 pays. Un autre article ici de Press TV qui parle de 1400 villes à travers le globe où on a de ces mouvements qui ont été mis en place. En fait, c'est 1496 villes ici qu'on parle, des événements qui ont été planifiés pour le mois d'octobre à travers le monde. OK? On parle d'une multitude de pays, comme je vous dis, la Suisse, on parle de la Norvège, la Suède, on parle de Taïwan, Canada ici, à Vancouver, à Montréal, il y en a eu en fin de semaine. Partout. C'est un phénomène planétaire. À Londres, en Grèce, en France. Écoutez, en France, on a eu des manifestations en opposition à des coupures, des mesures d'austérité de l'ordre de plus de 11 milliards de dollars, en fait 11 milliards d'euros pour couper dans toutes sortes de programmes, les fonds de pension. Alors, vous avez plus de 200 événements qui ont été organisés juste en France. 25 000 personnes ont marché à Paris. Écoutez, là, je veux dire, c'est assez incroyable. En Angleterre, on parle d'un article ici, on parle du chômage, la pauvreté qui sont à des niveaux historiques. Le chômage qui est à des niveaux qu'on n'a pas vu depuis au moins 17 ans. Alors, les gens manifestent partout. Et puis, on a essayé, évidemment, de coopter, d'essayer de travestir ou de faire s'écrouler ce mouvement-là, le faire passer pour toutes sortes d'affaires. Vous avez des agents, évidemment, infiltrés, des agents qui ont essayé de faire paraître le mouvement comme étant antisémite. On a eu des informations comme quoi que Soros aurait été derrière ça, que c'est encore une révolution colorée de la CIA, ce qui n'a rien à voir. On ne peut pas planifier des événements dans plus de 80 pays et 1400-1500 villes à travers la planète. Excusez-moi, là. On a essayé de faire passer le mouvement pour toutes sortes d'affaires qu'il n'est pas. Et puis surtout ses objectifs. Alors on a essayé dans les grands médias de le faire passer pour être un mouvement qui aurait à voir avec le réchauffement climatique, qui aurait à voir avec toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir finalement avec l'objectif central de ce mouvement-là, qui est réellement de mettre à terre le système bancaire fractionnaire, système basé sur la dette des banquiers privés du monde et des grands financiers comme Londres et Wall Street, de la corruption bancaire et financière, économique, qui sont en train de jeter nos économies à terre en entier. OK? Et quiconque va essayer de se placer en tête de ce mouvement-là ou va se réclamer comme étant une des têtes dirigeantes de ce mouvement-là est une fraude. Parce que c'est justement la beauté et la qualité essentielle de ce mouvement planétaire-là, c'est qu'il est sans leader. Il est sans tête de proue. Il n'y a personne à abattre. C'est la révolution parfaite qu'on appelait depuis très longtemps, même ici sur l'autre monde. Une révolution sans leader et une révolution pacifique. On occupe les places financières, point à la ligne, et on a vu se déchaîner dans plusieurs régions du monde, dont les États-Unis, les forces policières, les forces brutales contre les manifestants. Vous allez trouver toutes sortes de vidéos des policiers qui ont même passé en scooter dessus une jambe d'un protestant. On les matraque en plein visage. Le poivre de Cayenne dans les yeux. Vraiment toutes sortes d'affaires. On a même essayé finalement de vider le mouvement de Occupy Wall Street à New York. Et puis finalement, les autorités de la ville de New York et le maire Bloomberg se sont ravisés et puis ont préféré finalement ne pas évacuer les gens du parc avec leurs tentes et tout le mouvement, sachant très bien que les choses étaient pour dégénérer. Victoire pour le mouvement. Mais écoutez, chers amis, ça brasse pas mal. OK? Là, vous avez les exécutifs de Wall Street, eux autres, qui ont ri de ce mouvement-là. Incroyable. Les regardent comme c'était des vieux hippies. Ils se sont fait traiter de toutes sortes de noms, en fait. Même les médias et puis les gens de Wall Street traitent ces manifestants de tous les noms, de hippies, de gens finis, de gens qui n'ont rien à faire, des foireux. Et finalement, essayent de les faire mal paraître dans les médias. Et puis, ça ne marche pas du tout. Alors qu'on a des articles comme ici qui ont été publiés sur Bloomberg qui parlent que Wall Street ne voit aucune sortie pour le déclin financier. Alors on dit que les banquiers commencent à s'inquiéter de ce qui se passe avec les gens qui campent depuis presque un mois. En fait, ça a passé le mois, la marque du mois à New York dans le district financier. Les gens sont de plus en plus anxieux et en colère. On parle ici d'une ère de déclin puis de une mauvaise heure pour les banquiers qui pourraient s'étendre pendant des années. Et puis là, ben écoutez, vous avez des citations ici d'un gars qui s'appelle Charles Stevenson, 64 ans, président d'un hedge fund Navigator Group Incorporated, qui lui parle qu'il pense pas qu'il va faire, que c'est un temps en fait pour faire de l'argent. Alors les gens commencent à pleurer un peu parce qu'ils disent que le futur ne sera pas comme le passé qu'ils ont connu. Et qu'il n'y a pas de sortie de ce genre de marécage. Alors, c'est tellement triste. C'est pauvreux. Ils vont pas faire autant d'argent qu'ils ont fait ces dernières années. Ils vont s'ennuyer de leur bonus de millions de dollars puis de milliards de dollars. Ils trouvent ça triste. Hein? Il faudrait attraper là, des mouchoirs et puis en pleurer un gros coup. On dit que c'est dur sur Wall Street. Là. C'est dur pour les gens. C'est la misère pour les grands financiers, les banquiers. Alors c'est très, très triste. Là. Je vous enjoins de pleurer parce que c'est vraiment pas drôle pour ces gens-là. Hein? Alors, on est en train de s'occuper de distraire les gens alors que le mouvement Occupy Wall Street grandit rapidement et commence à inquiéter et même terrifier, si vous voulez, les financiers de Wall Street et puis l'élite, l'establishment. Ça commence à transparaître dans les nouvelles, même à CNN, des affaires comme ça, où on dit justement que les manifestants sont là pour protester contre les prix élevés du pétrole et puis les changements climatiques. Hein? Alors, on essaie même de cacher les panneaux qui disent fermer la Fed, la Banque centrale. On essaie de cacher les vraies raisons de pourquoi les gens sont là. Wall Street qui commence à être pas mal terrifié de ce qui se passe. Alors, vous avez toutes sortes de syndicats qui se sont joints au mouvement aussi ou qui supportent le mouvement. Beaucoup de syndicats qui sont très nombreux. Vous avez les travailleurs de l'acier ici. Vous avez 5 000 personnes qui ont marché à Portland, ainsi de suite. Écoutez, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Donc, moi, je vais vous laisser là, plusieurs informations par rapport à ça. Norton qui a bloqué le site de OccupyWallStreet.org. Alors, voilà qu'on a une sorte de groupes comme ça, comme Google, Yahoo aussi, qui ont essayé de censurer ce mouvement-là d'une façon ou d'une autre. Nouvelle assez choquante ici, ça vient même du site internet de JP Morgan. Écoutez bien ça, confirmation. JP Morgan a donné un cadeau de 4,6 millions de dollars au NYPD, ça c'est les forces policières de New York, qui eux utilisent du poivre de Cayenne contre les manifestants de Wall Street. Eh oui, vous avez bien entendu. Alors, ça, c'est pas une farce. C'est effectivement le fait. Vous avez effectivement les banques ici, puis les preuves que les banquiers payent même les policiers pour bûcher dans les manifestants d'Occupy Wall Street, OK? Vous avez JP Morgan qui, donc, a financé des arrestations de masse par le NYPD. De centaines de manifestants de Occupy Wall Street. Alors, vous avez eu plusieurs arrestations de masse qui ont été faites dans différentes villes, même à Chicago en fin de semaine. Donc, ça c'est incroyable. Vous avez des géants financiers aussi qui ont mis les policiers, comme je disais, de New York sur leur paye de leur chèque de paye, tout simplement, là, c'est évidemment sur leurs dépenses. Hein. Donc, il y a toutes sortes de vidéos qui parlent de ça aussi. Donc, qui montrent des membres. Qui ne sont pas en uniforme du département de la police de New York, donc qui portent des chandails blancs, à l'opposé des fameux chandails typiques bleus du NYPD, qui eux autres utilisaient du poivre de Cayenne et puis qui brutalisent ces fameux manifestants qui sont eux très pacifiques. Donc, vous avez les médias corporatifs qui ont reporté que ces fameux chandails blancs sont des superviseurs de la police. Alors, on essaye de faire passer ça de même. Donc, c'est assez incroyable. Donc, on voit vraiment que la police est là, pas pour protéger la population, mais pour protéger les intérêts des grands financiers de Wall Street et des multinationales. Right? Vous avez la police aussi qui a vidé des activistes qui ont des arrestations de masse à Denver. Donc, la même affaire. Ici, on a déclaré, même on a eu le front déclaré dans les médias que c'était pour assurer la santé et la sécurité des manifestants. Ben oui, bien sûr. Ça fait autant de sens que l'OTAN qui déclare avoir le mandat de protéger les citoyens libyens de Kadhafi en les bombardant et puis après ça en les laissant vivre sur un territoire qui a été empoisonné et contaminé par l'uranium appauvri qui est radioactif. Ça a autant de sens que ça, right? Donc, allez voir ça. 175 manifestants, comme je disais, à Chicago, qui ont été arrêtés en fin de semaine. Plusieurs articles qui parlent de ça. On essaie de faire paraître ce mouvement-là comme étant antisémite. Toutes sortes de niaiseries comme ça pour essayer de discréditer ce mouvement-là. Évidemment qu'on va en avoir aussi de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Sur CNBC, on a appelé les manifestants de Wall Street des freaks. Alors, on voit que CNBC, puis comme je vous disais, les grands de l'élite, l'establishment, est en train de devenir de plus en plus épeurés, inquiétés, anxieux de ce qui se passe. On commence à avoir peur, hein, de ce qui va se passer en fin de compte à propos de tout ça. Alors qu'eux autres, ils essayent d'utiliser le ridicule pour s'en sortir. Donc, allez voir ça. Encore là, comme je vous disais, beaucoup d'articles. Et puis, ici, vous avez un article d'ailleurs qui parle de ça, qui est intéressant. On utilise toutes sortes de tactiques hein, pour essayer de faire tomber ces mouvements-là, les faire mal paraître. Vous avez un ancien du YNPD un enquêteur qui travaille dans le département des narcotiques, qui lui a déclaré, puis merci de son honnêteté quand même, a déclaré qu'il fabriquait des cas de drogue, OK? Donc, on plante de la drogue sur des gens innocents pour rencontrer les quotas. Alors, on a des quotas au NYPD. Alors, il faut arrêter un certain nombre de personnes sur une certaine durée de temps. Et puis, quand on n'y arrive pas, ben, on fabrique des faux cas. Alors, on plante, ouais, on met carrément de la drogue sur des gens qui n'en avaient pas. Et puis, après ça, on les accuse. Alors, on est prêt jusqu'à aller jusque-là. Imaginez. C'est incroyable, là. Vous avez les méga banques aux États-Unis qui essayent de prévenir ce qu'on appelle une bank run. Alors, ce qu'on appelle une bank run, c'est quoi? C'est des gens qui vont à la banque, qui se ruent à la banque. C'est comme une ruée bancaire, si vous voulez. Les gens se ruent à la banque pour fermer leur compte en banque ou pour retirer leur argent. Alors, vous avez plusieurs méga banques comme ça autour du monde et aux États-Unis qui commencent à paniquer. Alors qu'ils voient leurs clients retirer leur capital et puis fermer leur compte. Donc, voilà une façon aussi qui est en train de se répandre à l'échelle de la planète, une forme de désobéissance civile contre ces grands banquiers-là et puis qui frappe direct au cœur. Vous voulez faire mal aux grands banquiers? Vous n'avez même pas besoin de sortir dehors. C'est bon. Allez-y à Montréal, manifestez, tout aucun problème. Mais vous voulez vraiment faire mal aux banquiers et au système? Allez retirer votre argent. Fermez votre compte en banque. Hein? Ou transférez une partie de votre avoir dans les métaux précieux. Achetez des onces d'or, des onces d'argent. Faites ça pour le fun. Vous allez voir que ça fait mal au système, pas mal plus que vous pensez. D'ailleurs, vous avez des gens du NYPD, donc de la police de New York, qui ont arrêté des manifestants pour avoir essayé de fermer leur compte en banque à la Citibank. Vous avez bien entendu, c'est quand même assez incroyable, là. Alors, vous avez à peu près 20 manifestants qui ont essayé de fermer leur compte en banque chez Citibank, puis on les a arrêtés sur des charges, évidemment, là, complètement vides et épaisses, là, complètement idiotes. Écoutez, voyez que le NYPD, l'élite, les banquiers internationaux sont tous maintenant une entreprise criminelle, un racket de la mafia qui travaille pour les banques. Donc, c'est toute une histoire. Et puis là, ben écoutez, on pourrait tomber après ça dans les nouvelles de l'économie en tant que telle, savoir qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Évidemment que ça ne regarde pas bien du tout. Dans différentes nouvelles, vous allez apprendre que on a d'ailleurs ici Gerald Celente qui faisait une entrevue qui parlait de la démocratie directe, qui justement enlèverait l'homme du milieu qui est corrompu et qui pourrait nous permettre de voter directement sur tous les sujets les plus importants qui nous concernent. Vous savez, avec la venue d'Internet, il serait très possible, et même sécurisé comme une carte de guichet, de voter sur n'importe quel plan ou projet gouvernemental. Donc, avant d'aller, aller se battre en Afghanistan, ben on pourrait voter. Au lieu d'ouvrir seulement Gentil 2 sans consulter la population, ben on pourrait demander à la population de voter et de décider pour elle-même ce qu'elle veut. Alors, c'est un peu aussi ce que le mouvement Occupy Wall Street cherche, si vous voulez, à suggérer aussi. Là, je veux dire, c'est ça que la démocratie directe. Puis ça, ça plaît pas aux gens qui sont en place. C'est bien évident. Donc, vous avez d'ailleurs un homme du Congrès américain qui s'appelle Peter King, qui lui déclarait en parlant du mouvement Occupy Wall Street qu'il devait être très prudent pour ne pas permettre que ce mouvement ait légitimité qu'il soit. Il dit que lui qu'il prend très sérieusement et puis il dit qu'il est assez vieux pour se rappeler ce qui est arrivé dans les années 60 alors que les gauchistes ont descendu dans les rues et puis que d'une certaine façon les médias les ont glorifiés. Et lui a déclaré que ça s'est terminé en faisant en sorte qu'ils ont finalement, si vous voulez, donné forme à la politique américaine. Et puis là, ce représentant du M. King, ce représentant au Congrès américain, a déclaré « Nous ne pouvons pas permettre cela de se produire. Nous ne pouvons pas permettre à cela de se produire. » Ça, c'est un représentant du Congrès américain. N'est-ce pas incroyable? Alors, voilà, écoutez, on arrive pas mal à la fin de l'émission, là. Quelques petites nouvelles, là, avant de terminer, là. Vous avez les étrangers, différentes nations qui ont largué plus de 74 milliards de dollars en bons du Trésor depuis les six dernières semaines consécutives. Alors, ça, c'est le plus gros, si vous voulez, là. C'est la plus grosse sortie de l'économie américaine de l'histoire. Okay? Donc, c'est assez incroyable. Là. Vous savez, là, le dernier week-end, il y a plus de 56 milliards de dollars en bons du Trésor américain qui ont été revendus. Alors, vous voyez que les gens n'en veulent plus de ça. Les nations n'en veulent plus de ça. On reconnaît que le dollar américain est en train de chuter, ne vaut plus rien. OK? Et la Chine, d'ailleurs, il y a une semaine ou deux, a déjà répliqué. Vous avez eu qu'il y a eu un vote au Sénat américain pour essayer de condamner les Chinois et puis leur monnaie. La Chine, elle, a déjà répondu. Et puis, ils ont fixé le yuan vraiment de façon choquante, très, très bas contre le dollar américain. Ce qui était exactement en direction opposée de ce que les États-Unis voulaient. Alors, vous voyez que maintenant, les États-Unis ne font plus peur à grand personne. Donc, voilà une autre charte ici. Allez voir un graphique important. Vous avez les profits corporatifs américains comparés au salaire des employés. Alors, on apprend qu'au Japon, le ratio d'un CEO, là, donc d'un directeur d'une grande compagnie, d'une grande firme, comparé à un travailleur normal, est d'environ de 11 à 1. En Allemagne, le ratio augmente de 12 à 1. Mais aux États-Unis, ce ratio-là, entre les salariés de la moyenne versus les grands CEO de grandes compagnies puis des financiers de Wall Street, le ratio passe à 475 à 1. Imaginez-vous donc. Donc, en terminant, ben on va parler de différentes solutions là, rapidement. Écoutez, vous avez un article ici publié chez le Activist Post où on parle de ramener le greenback et puis différents systèmes monétaires alternatifs. Donc, on dit que le greenback était un dollar qui était sans dette et qui donc était libre d'intérêt. Et puis qui est publié directement par le département du Trésor américain. Hein? Donc, on ne doit pas rembourser cet argent-là avec intérêt à la banque centrale privée qui est la Fed aux États-Unis. Donc, ça, c'est un truc à aller voir. Il y a différentes solutions. Évidemment, il faut se réapproprier nos banques centrales des mains des banquiers internationaux privés. Il faut que ce soit nos gouvernements qui contrôlent le peuple, en fait, qui contrôle la création de la monnaie. Une création de monnaie qui est sans dette, parce que là, on vit dans un système qui fonctionne sur la dette. Notre monnaie de papier est une représentation, est un gage de dette. Les manifestants et puis d'autres États aussi aux États-Unis considèrent de lancer maintenant leur propre monnaie. Alors, vous avez plusieurs mouvements comme ça aussi qui prennent place aux États-Unis puis dans différentes nations. Et puis, pour terminer, un dernier article. En fait, c'est une vidéo aussi que je vous propose qui vous montre ce qui arrive après que les banques s'effondrent et que le système financier se rupture et puis que plus personne n'a d'argent. Alors, c'est pas comme si c'était jamais arrivé dans le passé. En fait, on a même des exemples de voir ce que les gens ont fait pour résoudre ce problème-là. Et puis, vous savez, cet art des échanges, hein, qui a été évidemment essayé et puis utilisé depuis des temps immémoriaux. Et puis, vous avez un exemple ici de ce qui s'est passé justement en Argentine. il y a environ une quinzaine, vingtaine d'années. Alors allez voir ça, une vidéo très intéressante. Donc voilà. Donc on va se quitter sur ça maintenant, sur cette semaine. Et puis, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine. On va continuer de parler encore de l'économie. On va commencer aussi l'émission avec Fukushima. Cette fois-ci, on ne le manquera pas. Écoutez, je repose ça de semaine en semaine. Je suis désolé. C'est le mieux que je peux faire. Là. À un moment donné, il faut faire le tour des choses les plus importantes, même si Fukushima, c'est un dossier des plus importants. Donc, on ne va pas le manquer. On va finir par y arriver. Donc, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous salue bien bas. C'était François Marginan pour L'Autre Monde. Portez-vous bien. Ciao!